Au centre-ville, le car s'arrête. On commence par la cathédrale. Vous êtes en forme ? Oui, on est sportif. Alors, allez hop ! Il y a 132 marches à monter. Elle est impressionnante, cette église, avec ses pierres claires et foncées. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Demande Alex. Si, l'Orient, répond Sébastien. C'est ça. Dans cette église romane, on retrouve l'influence byzantine. Ce sont les pèlerins des croisades qui ont rapporté ce style, remarque Alex. Regardez la queue, il y a beaucoup de visiteurs, constate Daniel. Ce n'est pas étonnant, parce que c'est une église très connue, continue Alex. De plus, il faut savoir que Notre-Dame-du-Puy était un sanctuaire très important pour les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'intérieur, il y a une Vierge noire, de belles fresques et surtout la célèbre Bible de Théodulphe, qui est écrite sur vélin blanc et pourpre. Après la visite, vous pouvez prendre une boisson au kiosque et puis on monte sur le rocher Corneille. Ouf, j'ai une soif terrible, dit Sébastien, et il achète un Orangina. Et toi, qu'est-ce que tu prends, Julien ? Moi, je prends une menthe à l'eau. Tout à coup, Sébastien est frappé par la manchette d'un journal local. Qu'est-ce que tu as ? Demande Julien. Ce qu'il vient de lire le choque terriblement. Le meurtrier du Cantal a-t-il frappé de nouveau ? Isabelle, âgée de 15 ans, a disparu depuis 2 jours. La disparition de la jeune fille rappelle une série de meurtres cruels il y a 1 an. En peu de temps, 2 jeunes filles ont disparu sans laisser de traces. Quelques jours plus tard, on a retrouvé leur corps mutilé dans la forêt, dans des sacs en plastique noir. Hier soir, la camionnette sans lumière, le grand sac lourd en plastique noir, le sang frais, balbutie Julien. Écoute, Sébastien, il faut prévenir la police. Je ne sais pas. Attends. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a, vous deux ? Vous ne venez pas avec nous ? Demande Alex. Si, si, on arrive tout de suite, répond Sébastien distrait. On peut monter à l'intérieur de la statue ? Demande Daniel. Si tu veux, on peut monter jusqu'à la couronne de Notre-Dame de France. Elle est haute de 16 mètres et pèse 110 tonnes. Elle date de quand, la statue ? De 1860, continue Alex. Allons-y, montons ! Qui va arriver le premier au sommet ? S'écrie Luc, et tout le monde s'élance en même temps. Je ne peux pas, dit Sébastien en s'essuyant la sueur du front. Qu'est-ce qui ne va pas ? Demande Alex. Sébastien ment. J'ai mal aux genoux. Il y avait trop de marches à monter. Tu as de graves problèmes avec ton genou ? Pas vraiment. Mais je préfère m'asseoir là, sur le mur, et attendre avec Julien le retour des autres. D'accord. Mais ne bougez pas d'ici tous les deux. Et si vous avez un problème, voilà mon numéro de portable.